Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette webconférence dédiée à un sujet qui revient tous les ans à la même période, la gestion des congés payés. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et j'espère que cette session vous apportera des éclairages concrets et répondra à vos attentes. Pour me présenter, je suis Élodie Dédiste, je suis directrice marketing chez Jury Travail et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée par Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Alexandra est juriste spécialisée en droit du travail et chez Jury Travail depuis plus de 9 ans. Et je suis également accompagnée par Marine. Bonjour Marine, qui est sur le chat et qui en charge des interactions au clavier. D'ailleurs, vos questions sont les bienvenues tout au long de cette webconférence, donc pendant cette petite heure que nous allons partager. Notre objectif est de vous fournir tous les éléments directement applicables sur la gestion des congés. Je vous précise également que nous pouvons vous envoyer ce support et le replay de la webconférence. Pour cela, utilisez le formulaire présent sur ce webinaire en bas de la page. Hein, vous voyez un petit bouton et vous allez pouvoir recevoir la présentation ainsi que le replay dans votre boîte mail dès demain. Avant de commencer, je voudrais vous présenter Jury Travail en quelques minutes. Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans. C'est la plateforme de référence en droit du travail et en gestion des ressources humaines qui accompagne les employeurs, les RH, les managers dans leur démarche juridique. Jury Travail, c'est une équipe de plus de 50 juristes, tous Bac plus 5, qui accompagnent chaque jour nos 3 000 clients dans tous les domaines de droit, droit fiscal, droit social, droit des sociétés ou droit des affaires, par exemple. Nous proposons deux formules d'abonnement que je vous mets en visu, voilà, donc qui sont adaptées aux besoins de nos clients. Donc il y a deux formules, une à 50 euros, une à 180 euros. En fonction de votre abonnement choisi, vous aurez accès à plus ou moins de fonctionnalités, mais dans tous les cas, vous aurez accès à la base documentaire. Et cette base documentaire, nous allons beaucoup vous en parler pendant cette webconférence, puisque c'est une base documentaire qui a pour objectif de vous accompagner au quotidien en vous proposant des explications simples et des modèles de documents, vous évitant les erreurs. Un point important qui est souvent questionné par nos prospects, ce sont les alertes conventions collectives. Dans les abonnements, vous avez accès aux conventions collectives, mais pas seulement, vous avez accès aux alertes conventions collectives qui vont vous prévenir à chaque fois qu'il y a une modification, par exemple une modification de grille de salaire. Je ne vais pas m'étaler beaucoup plus sur les abonnements maintenant, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, Marine va vous mettre le lien si jamais vous voulez vous abonner. Alexandra, nous allons donc commencer sur ce sujet des congés. Chaque année, la gestion des congés payés revient sur le devant de la scène dans les services RH, avec son lot de questions pratiques, de délais à respecter, de règles à appliquer et de pièges à éviter. Si les congés payés relèvent du droit du salarié, leur mise en œuvre soulève de nombreuses problématiques pour les employeurs, hein. Les calendriers de départ, l'anticipation, le fractionnement, qui est un vrai sujet qui revient souvent, on a beaucoup de questions sur le fractionnement, les reports des congés, l'indemnisation, les obligations d'information, par exemple. Autant d'aspects qui exigent rigueur, organisation et connaissance à jour du droit du travail. Alors avec Alexandra, on a tout fait pour que ce soit plus clair pour vous. Donc, notre plan en 7 étapes, l'acquisition des congés, l'ordre des départs, la prise des congés payés, le fractionnement, le calcul de l'indemnité, le report et les sanctions liées à la mauvaise gestion. Pour vous faire gagner du temps et vous éviter certains problèmes, Marine donc, va vous mettre sur le chat des liens vers nos modèles, vers nos actualités, vers nos modèles de lettres ou de contrats. Tout l'ensemble de notre base documentaire. Nous sommes persuadés que cela vous fera passer un temps précieux et puis vous évitera les erreurs. Alors, on va commencer. La première partie concerne l'acquisition des congés payés et la première question que j'ai envie de te poser, Alexandra, c'est est-ce que l'employeur est tenu d'accorder des congés payés à tous ses salariés? Alors oui, effectivement. Donc peu importe la nature du contrat de travail ou la durée du travail qui est fixée au contrat, vous devez accorder des congés payés à tous les salariés dès lors qu'ils justifient d'une période de travail effectif au sein de votre entreprise ou d'une période assimilée à du temps de travail effectif. Donc autrement dit, tous les salariés, qu'ils soient en CDI, en CDD ou même encore en intérim, acquièrent des congés payés. Et ce, peu importe également qu'il soit à temps plein ou à temps partiel. D'ailleurs, sachez qu'un salarié à temps partiel acquiert le même nombre de jours de congés payés qu'un salarié à temps plein. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que concernant les apprentis, ils ont également droit à des congés payés, au même titre que les autres salariés de l'entreprise. Et par contre, concernant les stagiaires, si vous en avez, faut savoir que ceux-ci ne bénéficient pas de congés payés comme les autres salariés de l'entreprise. Par contre, ils peuvent bénéficier de congés pour préparer, par exemple, des examens ou parfois il y a également certaines conventions collectives ou des accords internes à votre entreprise qui peuvent prévoir certains congés ou autorisations d'absence pour les stagiaires. Donc, n'hésitez pas à vous référer à ces textes-là, le cas échéant. D'accord. Donc tout le monde bénéficie de congés payés et combien pardon de congés payés acquiert ah, je suis allée trop vite, pardon, acquiert-il les salariés? Alors, avant toute chose, il est nécessaire de rappeler que donc le salarié acquiert des congés payés dès son embauche. Donc, ça veut dire déjà qu'il n'y a pas de condition d'ancienneté qui s'applique pour l'acquisition des droits aux congés payés. Donc, dès son embauche, le salarié acquiert des congés payés au rythme de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Donc, il faut savoir que sont assimilés à un mois de travail effectif pour déterminer ce nombre de congés acquis, les périodes équivalentes à 4 semaines ou à 24 jours de travail. Donc ça veut dire que 4 semaines ou 24 jours de travail correspondent à un mois de travail effectif. Donc ça représente à l'année 30 jours ouvrables pour une année complète. Alors pour rappel, les jours ouvrables, ce sont les jours du lundi au samedi, hors jours fériés et hors dimanche. D'accord. Donc ces 30 jours ouvrables, ils se composent, si on peut un peu imaginer, de deux blocs. Un premier bloc qui est le congé principal, donc de 24 jours ouvrables. C'est ce qu'on va aussi appeler plus communément les congés d'été. Et vous avez aussi le deuxième bloc qui correspond à la cinquième semaine de congés payés. Donc, ce sont les 6 jours ouvrables restants. 24 plus 6 égale 30 jours ouvrables. D'accord. Faut savoir aussi, du coup, que ce décompte-là, il peut se faire en jours ouvrés. Donc là, les jours ouvrés, ce sont les jours du lundi au vendredi, hors jours fériés, hors samedi, hors dimanche. Et donc, dans ce cas-là, si votre décompte des congés payés se fait en jours ouvrés, le salarié acquiert 2,08 jours de congés par mois, ce qui nous fait 25 jours ouvrés par an. Et faut savoir aussi concernant donc les périodes qui permettent d'acquérir des congés payés, il y a certaines périodes pendant lesquelles le salarié ne travaille pas, qui sont tout de même considérées comme du temps de travail effectif et qui vont permettre au salarié d'acquérir malgré tout des congés payés. D'accord. Merci beaucoup pour cette explication. La question suivante, c'est quelles périodes sont considérées comme du temps de travail effectif, justement, permettant d'acquérir Alors, des donc oui, congés payés? justement, donc ces périodes-là, donc vous pouvez les retrouver, elles sont listées dans le Code du travail à l'article L3141-5. Et donc, on va retrouver notamment, pour vous en citer quelques-unes, donc on retrouve les périodes de congés payés. Donc, lorsque votre salarié est en congé payé, il continue d'acquérir également des congés payés. Ça compte comme du travail effectif, même s'il ne travaille pas. On retrouve également les périodes de congés de maternité, de congés paternité, et également les périodes de congés d'adoption sont considérées aussi comme du temps de travail effectif les contreparties obligatoires sous forme de repos qui vont être accordées aux salariés qui réalisent des heures supplémentaires. On va aussi avoir les jours de repos qui sont accordés au titre d'un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail. Donc ça, généralement, ça peut concerner tout ce qui est aménagement RTT, par exemple. Et vont également être assimilés à du temps de travail effectif, donc les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'un arrêt de travail lié à un accident ou à une maladie qui n'est pas professionnelle. Je vous le rappelle justement, sur ce point, la loi Dadu, qui date du 22 avril 2024 et qui est entrée en vigueur l'année dernière, le 24 avril, prévoit du coup que désormais, les salariés qui sont en arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnelle acquièrent 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par an. Par période de référence. Et donc, cette nouvelle disposition-là, elle s'applique de manière rétroactive donc sur la période qui court du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024. À condition toutefois qu'il n'y ait pas eu un contentieux sur ce point-là qui ait donné lieu à une décision qui n'est plus susceptible de recours, ou sous réserve aussi qu'il n'existait pas de stipulation conventionnelle plus favorable en vigueur à la date d'acquisition des droits au congé. Et autre période aussi qui est assimilée à du temps de travail effectif, ce sont les périodes d'arrêt de travail pour cause, cette fois-ci, d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Donc là, ça a toujours été le cas. Le salarié en accident du travail ou en maladie professionnelle acquiert toujours, cette fois-ci, 2,5 jours ouvrables par mois. Donc attention à ne pas confondre avec la maladie et l'accident non professionnel où là, le salarié acquiert 2 jours ouvrables. Là, en cas d'arrêt maladie professionnelle et accident du travail, c'est bien 2,5 jours ouvrables. Par contre, il y a une précision qu'il faut noter aussi à ce sujet-là, c'est que depuis l'entrée en vigueur de la loi DADU, les salariés en arrêt pour accident du travail et maladie professionnelle acquièrent des congés payés pendant toute la durée de leur arrêt, ce qui n'était pas le cas avant l'entrée en vigueur de cette loi, puisqu'avant, ils pouvaient acquérir des congés payés seulement dans la limite d'une durée d'un an. Donc, si l'arrêt de travail pour maladie pro ou accident du travail était supérieur à un an, au bout d'un an, il ne pouvait plus acquérir de congés payés. Donc là, cette limite d'un an, elle a été supprimée par la loi DADU. Et par contre, là, cette nouveauté n'est pas rétroactive pour les périodes antérieures au 24 avril 2024. D'accord. D'ailleurs, par rapport à cette loi DADU, on avait fait l'année dernière une webconférence dédiée à ce sujet et Alexandra a expliqué clairement les différentes notions de date, de période sur lesquelles ça s'appliquait, etc. Je vous invite à aller voir sur notre page YouTube cette vidéo si jamais vous avez des questions. Vous retrouverez aussi l'ensemble des règles sur notre site, que ce soit dans nos dossiers ou sur nos actualités. C'est sûr que cette loi DADU a quand même pas mal chamboulé l'année dernière le quotidien et le calcul de congés payés. La question suivante, c'est quelle est la période d'acquisition de ces congés payés ? Comment ça marche ? Alors déjà, je vais me permettre de faire un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que la période d'acquisition des congés payés, parce que parfois, c'est pas toujours très clair et on a tendance à confondre aussi avec la période de prise des congés payés et ce sont deux choses différentes. Donc la période d'acquisition, c'est ce qu'on appelle aussi la période de référence. Donc en fait, c'est tout simplement la période pendant laquelle les salariés, en contrepartie du travail effectif qu'ils réalisent dans votre entreprise, cumulent des congés payés. Tout simplement. Donc, cette période de référence, elle est fixée soit par un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut par une convention collective ou un accord de branche. Donc, généralement, les accords fixent une période de référence qui court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N plus 1, donc de l'année suivante, ou soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année, quoi, comme une année civile. D'accord. Et à défaut d'accord, parce que parfois, il n'y a pas d'accord. Dans ce cas-là, c'est le code du travail qui fixe cette période d'acquisition, cette période de référence, et elle débute au 1er juin de chaque année et prend fin au 31 mai de l'année suivante. Mmh. Et il y a une petite particularité en ce qui concerne les professions qui sont pour lesquelles l'entreprise est tenue de s'affilier à une caisse de congé. Dans ce cas-là, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril et s'étend jusqu'au 31 mars de l'année suivante. D'accord. C'est une petite particularité. C'est noté. Alors, je pense que c'est assez clair sur l'acquisition des congés payés. Donc, je propose de passer au deuxième point, c'est l'ordre des départs en congé. Alors, je voulais vous parler du dossier. On a un dossier juridique sur notre site qui explique vraiment tout sur la gestion des congés payés et des RTT. Notamment, il y a le décompte, le calcul et l'indemnité de congés payés, l'application des nouvelles dispositions dont on vient de parler, la gestion des absences, etc. Mais surtout, il y a des modèles de lettres. Et j'insiste un peu, mais les modèles de lettres, c'est vrai que c'est un sujet qui est important pour nos clients parce que ça leur fait gagner un temps fou. Donc, voilà, Marine va vous remettre le lien. Je crois qu'elle l'a déjà mis. Et puis, n'hésitez pas à aller le consulter sur notre site. Donc, l'ordre des départs en congé. Hop, la première question, c'est déjà, qu'est-ce que c'est que cet ordre et qui le fixe ? Alors, donc, lors des départs en congé, en gros, il vous donne la possibilité, notamment, de donner la priorité à certains salariés pour choisir leur date de congé. Il va vous permettre, en fait, de disposer de critères sur lesquels vous allez aussi pouvoir justifier votre décision d'accorder ou de refuser des congés payés à un salarié aux dates qu'il a demandées. Donc, lors des départs en congé, il est fixé là encore par accord, donc d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut par la convention collective ou l'accord de branche qui peut s'appliquer dans votre entreprise. Si un ordre des congés est prévu par un accord collectif, convention collective, dans ce cas-là, vous devez impérativement respecter cet ordre des congés qui est fixé. D'accord. Si toutefois, aucun accord collectif ne fixe cet ordre des congés, là encore, c'est le code du travail qui prend le relais et du coup, le code du travail prévoit que c'est à l'employeur de fixer l'ordre des départs en congé dans l'entreprise. D'accord, c'est très clair. Et alors, dans le cas où c'est l'employeur qui décide, quels sont les éléments qu'il doit prendre en compte pour fixer l'ordre de départ en congé de ses salariés? Alors, donc pour fixer l'ordre des départs, vous devez tenir compte de trois critères. Donc, le premier critère, il faut tenir compte de la situation de famille du salarié. Donc là, vous allez devoir regarder si le salarié a, par exemple, des enfants à charge. Est-ce que son conjoint a possibilité de prendre des congés ou non aux dates que votre salarié a demandées? Si c'est pas possible, mais voilà, ça entre en compte aussi. Est-ce que le salarié a au sein de son foyer un enfant ou un adulte en situation de handicap, ou est-ce qu'il a également au sein de son foyer une personne âgée en perte d'autonomie? Deuxième critère que vous allez devoir regarder, c'est son ancienneté dans l'entreprise, donc c'est-à-dire sa durée de service chez vous, depuis combien de temps il est là. Et enfin, le troisième critère, ça va être celui de regarder. Est-ce que votre salarié, est-ce que vous êtes son seul employeur ou est-ce qu'il a d'autres employeurs? Parce qu'un salarié qui a plusieurs autres employeurs, le but, c'est quand même qu'il puisse prendre ses congés payés auprès de tous ses employeurs en même temps pour bénéficier d'un réel droit au repos. Donc, il va falloir que vous teniez compte aussi, lorsque le salarié a plusieurs employeurs, des dates qui sont convenues aussi avec les autres employeurs pour essayer de faire en sorte que le salarié bénéficie de congés simultanés. Donc, vous devez tenir compte vraiment de l'ensemble de ces critères pour établir l'ordre de départ en congé dans votre entreprise. Donc, faut bien aussi avoir conscience que vous devez vraiment être impartial et vous fonder uniquement sur ces critères objectifs pour déterminer l'ordre des départs pour ne pas commettre d'abus de droit. Typiquement, par exemple, un employeur qui va refuser de donner à un salarié ses congés payés pendant les vacances scolaires. Par exemple, pour une raison disciplinaire, là, cet employeur va commettre un abus de droit. Okay. Donc, il faut vraiment rester impartial et se fixer sur ces critères-là pour déterminer l'ordre des départs. Et enfin, une petite précision aussi, il faut savoir que les conjoints, donc quand je dis conjoints, ce sont mariés ou pacsés ou concubinages, enfin voilà, qui travaillent dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. Donc, vous ne pouvez pas invoquer, par exemple, les nécessités de l'entreprise pour refuser d'accorder au salarié un congé simultané avec son conjoint. D'accord. Il y a une question de Julie sur les critères. Est-ce que, une fois qu'on a évalué les critères, donc tout ce que tu viens de nous décrire, comment on doit les comparer? Par exemple, c'est un enfant égale un point, un an d'ancienneté égale un point. Est-ce que ça, c'est justement à l'employeur de décider? Alors ça, justement, voilà, le code du travail à ce sujet-là ne précise rien. Donc, c'est en effet à vous, au préalable, de définir précisément quels vont être les critères pour fixer votre ordre des congés. Donc, vous pouvez tout à fait, au préalable, décider que voilà, le salarié qui a tant d'enfants, c'est tant de points, et fonctionner avec un système de points, c'est possible aussi. Mais voilà, il faut que cet ordre des critères soit fixé en amont et bien défini en amont, et on le verra après le CSE entrera aussi en jeu ensuite. Oui. Et alors, je complète parce qu'il y avait aussi une question de Valérie, tu viens d'y répondre à peu près, mais les critères doivent être pris dans cet ordre, donc c'est-à-dire la situation de la famille, puis l'ancienneté de l'entreprise, puis l'activité auprès d'un ou plusieurs entreprises, ou est-ce que ça peut être voilà, les trois temps et puis… Alors non, je les ai listés Voilà, dans c'est ça. cet ordre-là, mais il n'y a pas d'ordre particulier à respecter. C'est vraiment trois critères. Ils sont pris en compte de manière égale. C'est pas Ouais, l'ordre c'était dans lequel clair. je les ai Oui, mis, c'est de oui, manière oui. égale. Merci Tous les beaucoup, critères entrent Alexandra. en compte de la même manière. D'accord. Merci beaucoup, Alexandra. Il y a beaucoup de questions. Je suis désolée, on va pas pouvoir s'arrêter à chaque place parce que à chaque question parce que ça va être très long. Je prends au fur et à mesure et puis à la fin, on reviendra aussi sur des questions si on a le temps et si Alexandra, ça te va. Je vais passer à la question suivante parce que peut-être qu'il y aura justement des réponses dans les prochaines parties. L'employeur doit-il consulter les représentants du personnel avant de fixer l'ordre des départs en congé? Tu viens un peu d'en parler. Alors effectivement, oui, lorsque l'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur, donc parce qu'il n'y a pas d'accord en place dans l'entreprise, vous devez consulter le CSE pour obtenir son avis sur la fixation des départs en congé payés. Donc par contre, il ne s'agit que de recueillir l'avis du CSE. Donc vous n'êtes pas lié par l'avis du CSE, vous n'avez aucune obligation de suivre l'avis qui est rendu par le CSE. Il n'est pas là pour donner son accord, c'est simplement un avis qui est rendu et vous n'y êtes pas lié. D'accord. En cas, par contre, de non-respect de cette obligation, donc si vous ne consultez pas pour avis le CSE, il n'y aura pas de délit d'entrave. Par contre, vous vous exposez à une sanction spécifique qui est prévue par le Code du travail pour tout ce qui est non-respect de la législation relative aux congés payés. Donc, il faut savoir que c'est une contravention de cinquième classe, donc une amende de 1 500 euros et qui monte à 3 000 euros en cas de récidive. D'accord. Mieux vaut consulter. Oui, c'est mieux. D'accord. Ouais. Dans quel délai l'employeur doit-il communiquer aux salariés l'ordre des départs en congé? Alors, cet ordre des congés, il doit être communiqué aux salariés au moins un mois avant le départ en congé. Donc, il faut savoir que cette communication, elle peut se faire par tout moyen. Alors, l'affichage, n'est plus obligatoire. Mais il reste quand même le moyen de communication, un moyen de communication qui est assez efficace, où ça vous permet de diffuser plus largement votre information auprès des collaborateurs. Mais vous pouvez tout à fait aussi utiliser une note de service ou l'intranet de l'entreprise, si vous en avez un. Voilà. Oui, très clair. Olivia, je me permets de réagir à votre question. On va en parler hein, tout à l'heure sur la prise de congé, le nombre de jours minimum, etc. Sur les fractionnements aussi, voilà un sujet. L'employeur peut-il modifier l'ordre de départ une fois que celui-ci a été fixé? Alors, effectivement, oui, une fois que l'ordre des départs en congé est établi, vous avez la possibilité de le modifier dans un certain délai. Donc, le délai à respecter pour modifier cet ordre de départ en congé, il est là encore fixé par accord collectif ou convention ou accord de branche. S'il n'y a pas d'accord qui prévoit ce délai, dans ce cas-là, le Code du travail prévoit que l'ordre des départs en congé ne peut pas être modifié moins de un mois avant la date de départ prévue. Sauf si vous justifiez de circonstances exceptionnelles. Effectivement, seules des circonstances exceptionnelles peuvent vous permettre de modifier l'ordre des départs en congé moins d'un mois avant la date de départ prévue. Donc, par exemple, circonstances exceptionnelles, ça va être le décès d'un salarié qu'il va falloir remplacer. Ça, c'est une circonstance exceptionnelle. Attention toutefois, car vous devez être en mesure de justifier qu'il y a bien des circonstances exceptionnelles. En l'absence de circonstances exceptionnelles, une fois que ce délai de un mois est dépassé, vous ne pouvez plus modifier l'ordre des départs en congé, ni même d'ailleurs les dates de départ en congé, à moins que vous ne disposiez évidemment de l'accord express du salarié. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que en dehors de circonstances exceptionnelles ou en dehors d'accord express du salarié, celui-ci, enfin le salarié, peut tout à fait refuser une modification tardive qui concerne la prise des congés payés. Et son refus, d'ailleurs, ne constituera pas une faute susceptible d'engager ensuite une procédure de licenciement si toutefois le salarié partait quand même en congé. D'accord. Ok. C'est effectivement une date à prendre en compte. Je reviens juste, excuse-moi Alexandra, sur la consultation du CSE. C'est vraiment une consultation qui dit, bah voilà, l'ordre dans lequel on a décidé de pratiquer, il n'y a aucune notion de salarié. C'est vraiment, nous, on privilégie par exemple les salariés avec enfants, puis les salariés avec, voilà, et il n'y aura pas de notion de Alexandra a deux jolies petites filles, du coup, elle partira en vacances à ce moment-là. Non, les salariés ne sont pas nommés. C'est vraiment pour que le CSE sache la manière dont cet ordre est fixé dans l'entreprise, mais il n'y a aucun salarié qui est visé, par contre, lors de la consultation. D'accord. Alors, on en a fini pour l'ordre des départs. Merci beaucoup, Alexandra. On va passer à la prise des congés payés. Là, vous allez voir, je pense qu'on va répondre à pas mal de vos questions. D'ailleurs, la première question que j'ai envie de te poser, moi, c'est qu'est-ce qu'on appelle, qu'appelle-t-on la période de prise de congés payés et comment est-elle fixée? Alors, donc la période de prise des congés payés, c'est tout simplement la période pendant laquelle vos salariés doivent poser leur congé principal. La période de prise de congé, donc là encore, elle est fixée par accord collectif. S'il n'y a pas d'accord collectif, c'est l'employeur qui fixe la période de prise des congés après consultation du CSE pour avis. Donc c'est la même consultation que celle pour l'ordre des congés payés. D'accord. C'est une consultation pour avis. Donc, par contre, la période de prise des congés doit obligatoirement inclure la période légale qui court du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Et ce, indépendamment de qui fixe la période de prise de congé, qu'elle soit fixée par accord collectif ou par l'employeur. Dans tous les cas, cette période de prise de congé doit inclure la période du 1er mai au 31 octobre. Et il faut savoir qu'elle peut tout à fait être étendue. Donc, vous pouvez très bien prévoir une période de prise de congé qui va du 1er mars au 30 novembre, c'est tout à fait possible. Et vous pouvez aussi prévoir une période de prise de congé qui couvre même l'année entière. C'est tout D'accord. à fait possible. Oui, ok, très clair. Merci beaucoup. L'employeur doit-il informer le salarié de la prise des congés, la période, pardon, de la prise des congés payés? Alors oui, effectivement, il faut bien porter la période de prise des congés payés à la connaissance du personnel, et ceci au moins 2 mois avant l'ouverture de la période de prise des congés. Donc si la période de prise de congés dans votre entreprise s'étend du 1er mai au 31 octobre, dans ce cas-là, la communication doit être faite avant le 1er mars de la même année. Il est possible de communiquer les dates de la période de prise de congés par voie d'affichage, mais là encore, l'affichage n'est pas obligatoire. Donc, une note d'information peut aussi être transmise, par exemple, avec les bulletins de paye du mois de février, par exemple. Il faut savoir aussi que si vous ne communiquez pas les dates de prise de congés payés au moins 2 mois avant l'ouverture de la période, vous ne pouvez pas retenir une faute contre le salarié s'il part en congé sans votre accord. Vous ne pouvez pas imposer la période de prise des congés payés sans respecter ce délai de prévenance. Et enfin, il faut savoir aussi que vous ne pouvez pas vous affranchir de respecter ce délai de prévenance de 2 mois en invoquant des circonstances exceptionnelles. Cette cause exonératoire, elle va s'appliquer qu'en cas de modification des dates de départ en congé, on y reviendra après, et non en cas de fixation initiale des dates de départ en congé. Ok, c'est très clair. Donc c'est vraiment important, quoi. Les 2 mois, là, c'est une période sur laquelle il faut pas se louper, comme on dit. Exactement. Merci beaucoup, Alexandra. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, hein, sur les webconférences, vous savez qu'on est habitué à faire des vrais faux. Donc je vais vous mettre une question, je vais vous afficher une question sur l'écran et puis vous allez répondre par oui ou par faux. La première question, c'est l'employeur peut modifier les dates de départ en congé à tout moment. Donc là, j'ai ouvert les votes. Vous allez voir, hein, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre sur l'écran et vous allez pouvoir répondre. Je vais laisser voilà, une petite minute. Ça permet aussi à Alexandra de boire un petit peu d'eau. Et voilà. Et ça anime un petit peu la webconférence. C'est toujours sympa. Bon, alors là, il y a une grosse. Bon, il y a un vrai poids sur la réponse faux. Ouais, ben j'avais un petit peu donné la réponse avant, du coup. Allez, je ferme les votes du coup. Il y a 63, 85% des participants qui ont mis faux. Alors Effectivement. oui, donc oui, c'est faux. Donc vous avez effectivement la possibilité de modifier les dates de départ en congé payé, mais pas à n'importe quel moment. Donc, c'est ce que je vous expliquais un peu jusque-là. Un accord d'entreprise ou une convention, un accord de branche peut fixer le délai à respecter pour modifier les dates de départ en congé, la période de prise de congé. Mais s'il n'y a pas d'accord, vous ne pouvez modifier les congés, les dates de congé du salarié après lui avoir accordé moins. Qu'est-ce que je raconte n'importe quoi. S'il n'y a pas d'accord, vous ne pouvez modifier les dates de congé du salarié après lui avoir accordé moins d'un mois avant la date de départ prévue, Voilà. sauf si là encore vous justifiez de circonstances exceptionnelles. Ouais, ou si lui même est Voilà. d'accord. Donc, C'est ça. si on résume, vas-y, on la refait. Donc. Donc, si on résume, vous pouvez modifier les dates de départ en congé du salarié. Un accord collectif peut du coup fixer ce délai que vous devez respecter pour modifier les dates de départ. Et s'il n'y a pas d'accord, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas modifier les dates de départ en congé moins d'un mois avant la date de départ prévue, sauf si vous avez des circonstances exceptionnelles justifiées. Ok, très clair. Merci beaucoup, Alexandra. La question suivante, c'est sur l'employeur. Est-ce qu'il peut justement refuser d'accorder des congés payés par anticipation? Alors, donc, il faut savoir qu'avant 2017, le salarié, donc, il venait d'arriver dans la boîte, généralement, il devait attendre la fin de la période d'acquisition des congés, donc généralement fixée au 31 mai, pour pouvoir prendre des congés payés. Donc l'anticipation, en fait, elle existait, mais elle correspondait à une facilité qui était accordée ou non par l'employeur. Mais généralement, voilà, la première année, les salariés ne posaient pas systématiquement des semaines de congé. Il y a eu la loi El Khomri en 2017, et donc cette loi a prévu que le salarié nouvellement arrivé dans l'entreprise peut poser des congés payés qu'il a acquis par anticipation, c'est-à-dire en fait avant la fin de la période d'acquisition. Donc en fait voilà, ce terme d'anticipation, faut savoir que le salarié a bien acquis des congés, c'est simplement on parle d'anticipation parce qu'il va les poser avant la fin de la période d'acquisition. Donc ça, maintenant, c'est possible, mais vous êtes en droit de refuser sa demande de congé payé par anticipation. Par contre, vous ne pouvez pas fonder votre refus au motif de l'anticipation. Donc, vous pouvez refuser la demande du salarié, par exemple, pour des raisons qui tiennent à l'organisation de l'entreprise, pour assurer la bonne marche de l'entreprise, parce que vous avez besoin, du salarié à ce moment-là. Donc, vous êtes en droit de refuser sa demande de congé. En revanche, vous êtes en droit de refuser une demande de congé payé par anticipation lorsque les congés payés n'ont pas été acquis par le salarié. Donc, par exemple, on est le 10 avril, si vous avez un salarié qui est arrivé début mars, il aura acquis 2,5 jours en mars, 2,5 jours à fin avril. S'il souhaite poser, admettons, au mois de mai, 10 jours de congés payés, vous êtes en droit de refuser sa demande puisqu'il aura réellement acquis que 5 jours ouvrables et non 10. D'accord. Voilà, donc Ouais. là, il ne peut pas les poser par anticipation parce qu'il n'en a pas acquis suffisamment. Mais s'ils D'accord. sont acquis par anticipation, donc avant la fin de la période de référence, le salarié peut tout à fait les poser. Ouais. Bah, c'est très clair, merci beaucoup. Combien faut-il décompter de jours de congés payés lorsqu'un salarié pose une semaine de vacances? Alors, donc là, tout va dépendre de la manière dont sont décomptés les congés payés dans l'entreprise. Et donc, je crois qu'on a une petite question là-dessus que j'ai vue passer. Je ne sais plus Il qui l'a y a posée. beaucoup de questions. Oui, mais alors, donc, il faut savoir que si les jours de congé sont décomptés en jours ouvrables, donc là, le salarié va devoir poser 6 jours de congé pour poser une semaine. Et si les jours sont décomptés en jours ouvrés, il va falloir lui décompter 5 jours de congé payé lorsqu'il pose une semaine de congé. Très clair. Je ne sais pas si la personne qui avait posé la question, j'espère que voilà, vous avez obtenu la réponse. En tout cas, c'est très clair. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, le cas des jours fériés, parce que là, on y arrive bientôt, hein, le mois de mai, il y en a quand même pas mal. Donc, si un jour de congé tombe sur un jour férié, doit-il être décompté des congés payés? Alors, donc tout dépend, on a plusieurs situations. Donc, soit si on a un jour férié, donc qui est inclus dans la période de congé payé et qui correspond à un jour normalement travaillé, mais qui là est chômé dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que le salarié ne travaille pas ce jour férié-là. Dans ce cas-là, vous ne devez pas le décompter en tant que jour de congé payé. Donc le salarié va devoir poser 5 jours de congé si le décompte se fait en jour ouvrable ou 4 jours si le décompte se fait en jour ouvré. Deuxième situation, si un jour férié donc, est inclus dans la période de congé payé, qu'il correspond à un jour normalement travaillé, mais qui du coup n'est pas chômé dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que là, dans ce deuxième cas, le salarié va travailler le jour férié. Dans ce cas-là, l'employeur doit le décompter en tant que jour de congé payé. Donc, le salarié posera 6 jours de congé payé si le décompte se fait en jour ouvrable ou 5 jours si le décompte se fait en jour ouvré. D'accord. Donc toute la notion, c'est sur le chômé ou pas dans l'entreprise finalement. C'est ça. Alors, il y a deux critères, en fait. Il faut regarder si le jour férié est habituellement chômé ou pas dans l'entreprise et tenir compte aussi de la manière dont sont décomptés les congés payés. Donc, est-ce que c'est en jour ouvrable ou en jour ouvré? Ok. Donc, si c'est un jour chômé dans l'entreprise, donc si le jour férié n'est pas travaillé, dans ce cas-là, on ne décompte pas le jour férié. Si le jour férié est un jour travaillé dans l'entreprise et que le salarié prend un jour de congé pendant cette période où il y a un jour férié, dans ce cas-là, l'employeur doit décompter le jour de congé payé. Ouais, c'est clair, merci beaucoup. Si vous avez des questions, si je renfre le pont. Là, ah oui, après il y a la question des ponts, c'est encore autre chose, les ponts. Oui. Ouais, que se passe-t-il non pris? Alors, ça, sur les congés non pris, on en parlera après. Je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de questions et bon, on va pas pouvoir, je ne vais pas pouvoir arrêter la webconf. Marine, si tu veux bien nous prioriser dans le chat et puis comme ça, on prendra à la fin. On va passer sur un autre sujet, le sujet du fractionnement, parce que c'est aussi une question. Oui, tu as raison, Marine, je devrais le rappeler. Vous voyez, en bas de page, vous avez un petit onglet questions. Vous pouvez poser la question et c'est notamment intéressant dans les cas personnels parce que là j'ai vu qu'il y avait une personne qui disait moi j'ai un cas un peu spécifique. En fait, cet outil-là va vous permettre d'envoyer votre question à nos juristes et qui vont vous rappeler pour répondre à votre question. Donc si c'est une question un peu personnelle ou voilà, vous n'avez pas forcément envie de la mettre sur le chat, n'hésitez pas aussi à utiliser ce petit onglet. Ça s'appelle une demande de réponse par nos juristes et ce sera un juriste qui vous rappellera soit dans l'après-midi, soit demain pour répondre à votre question. Alors, le fractionnement des congés payés, c'est un gros sujet. Et d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, je vais faire un petit rappel. Donc, il faut savoir que le congé principal, il peut être pris en une seule fois. Mais quoi qu'il en soit, le salarié ne peut pas prendre plus de 24 jours ouvrables maximum. La loi leur a interdit, en fait, de prendre plus de 24 jours ouvrables en une seule fois. Donc, ce qui a pour conséquence qu'ils ne peuvent pas accoler leur congé principal de 24 jours ouvrables avec leur cinquième semaine de congé payé. Sauf petite exception, c'est possible d'accoler les deux si le salarié justifie par exemple de contraintes géographiques particulières ou a au sein de son foyer un enfant ou un adulte handicapé ou encore une personne âgée en perte d'autonomie. Mais là, c'est un cas exceptionnel. Sinon, on ne peut pas accoler le congé principal de 24 jours et la cinquième semaine de congé payé. Donc, le congé principal est en principe pris pendant la période de prise de congé payé, qui est fixée par accord ou à défaut du 1er mai au 31 octobre. Mais certains salariés peuvent souhaiter ne pas prendre de manière continue ces 24 jours ouvrables de congé payé. Et donc là, le congé principal peut alors être fractionné, c'est-à-dire que ce congé principal va être pris en plusieurs fois et selon la manière dont il est pris, ça va engendrer certaines conséquences qu'on va voir après. Merci. Donc, comment fonctionne le fractionnement du congé principal? Alors, donc justement, lorsque le salarié choisit de prendre son congé principal en plusieurs fois, il doit respecter certaines règles. Donc déjà, lorsque le salarié n'a pas acquis plus de 12 jours ouvrables de congés payés, il n'a pas le choix, il doit les poser en une seule fois et de manière continue. Donc, D'accord. c'est-à-dire qu'ils doivent être pris à la suite en une seule fois. Si le salarié a acquis plus de 12 jours ouvrables, mais qu'il souhaite les prendre en plusieurs fois, dans ce cas-là, il doit obligatoirement prendre au moins 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire. Donc c'est précis. Et c'est seulement les congés au-delà du 12e jour qui vont pouvoir faire l'objet d'un fractionnement. Donc c'est seulement la fraction restante au-delà du 12e jour qui va pouvoir être fractionnée. Mais les 12 premiers jours doivent être pris de manière continue. Donc, il peut y avoir au sein de votre entreprise un accord ou même au niveau de la branche ou convention collective qui fixe la période pendant laquelle le congé principal continu d'au moins 12 jours est attribué et qui peut aussi fixer les règles de fractionnement au-delà du 12e jour. S'il n'y a pas d'accord, dans ce cas-là, le congé principal, donc cette fraction obligatoire d'au moins 12 jours ouvrables, elle est attribuée pendant la période qui court du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Et donc, les jours restants, donc au-delà du 12e jour, eux, ils vont pouvoir être pris en une ou plusieurs fois. Et ils vont pouvoir aussi être pris soit pendant la période de prise des congés fixés ou soit en dehors de cette période de prise des congés. Et donc, dans cette seconde hypothèse, donc lorsque les jours de congés restants au-delà du 12e jour, sont pris en dehors de la période de prise des congés fixés, et ben ça va donner droit aux salariés à des jours de fractionnement. Ok, Voilà. et alors la question suivante, c'est combien de jours supplémentaires pour fractionnement? Alors, donc, déjà, il va falloir dans un premier temps décompter Il va falloir pouvoir décompter le nombre de jours de congés supplémentaires pour fractionnement à accorder aux salariés. Donc, pour trouver ce nombre de jours de congés pour fractionnement à accorder, vous devez dans un premier temps calculer la différence entre la durée maximale légale du congé principal, donc 24 jours, et celle du congé réellement pris par le salarié au cours de la période de prise des congés qui a été fixée. Ensuite, suivant le nombre de jours de congés restants à prendre, vous devez identifier combien de jours parmi les jours de congés restants, donc au-delà du 12e jour, ont été pris en dehors de la période de prise des congés fixés. Et en fonction du nombre, vous allez pouvoir ensuite déterminer le nombre de jours de congés pour fractionnement à accorder. Donc, il faut savoir justement qu'on peut fixer les règles de fractionnement du congé au-delà du 12e jour. Notamment le nombre de jours de congés supplémentaires pour fractionnement qui peuvent être accordés. Donc ça peut être fixé par un accord. S'il n'y a pas d'accord, vous devez accorder aux salariés 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période de prise des congés est au moins égal à 6. Et vous devez accorder 1 jour ouvrable de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période de prise des congés est compris entre 3 et 5. Alors, il va Je vous falloir un donne un exemple, exemple. ouais. Je vais en S'il donner un. te plaît. Pour exemple, vous avez un salarié donc, qui a pris, par exemple, 19 jours ouvrables de congés en août. D'accord. Il va également prendre 5 jours ouvrables en décembre et 6 jours ouvrables en avril au titre de sa 5e semaine de congés payés. Et bien là, dans ce cas-là, il va avoir droit à 1 jour de congé supplémentaire au titre de la semaine qu'il aura pris au mois de décembre. Voilà. Ok, ouais, c'est très clair. Par ailleurs aussi, il faut savoir que pour ce qui concerne les salariés nouvellement embauchés en cours d'année, vous devez également leur accorder des jours supplémentaires pour fractionnement si ils prennent une partie de leur congé principal en dehors de la période de prise des congés qui a été fixée. Et vous devez aussi accorder des jours de fractionnement aux salariés si toutefois la fermeture de l'entreprise intervient en dehors de la période de prise des congés fixée et que ça entraîne du coup un fractionnement du congé principal. Ouais, c'est quand même un gros sujet. Alors, Marine vous a mis notre actualité hein, qu'on C'est a ça. rédigée sur le fractionnement. C'est vrai que c'est pas simple à compter et c'est pas simple à gérer non plus niveau management. Quand on me pose des jours de fractionnement que je n'avais pas prévus dans le calendrier, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Déjà, on ne comprend pas bien pourquoi. Donc, merci beaucoup, Alexandra, de nous avoir bien tout réexpliqué. J'espère aussi que c'est plus clair pour vous. L'employeur peut-il imposer au salarié le fractionnement de son congé principal? Alors, donc oui, alors ça dépend. Lorsque le salarié dispose d'un congé principal, donc qui est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables, donc lorsqu'il a bien acquis au moins 12 jours ouvrables, dans ce cas-là, vous pouvez effectivement lui demander de fractionner celui-ci. Par contre, le salarié doit donner son accord et il est tout à fait en droit de refuser votre demande de fractionnement, sauf si le congé principal a lieu pendant la période de fermeture annuelle de l'établissement. Mais par contre, pensez bien à vérifier les dispositions qui peuvent être prévues par un éventuel accord, parce que cet accord peut tout à fait fixer des règles spécifiques en matière de fractionnement du congé au-delà du 12e jour. Donc, vérifiez bien les accords qui peuvent être en vigueur dans l'entreprise. Ok, bah ouais, on va vérifier ça. J'ai prévu un nouveau vrai-faux sur justement l'employeur peut demander à un salarié de renoncer aux jours supplémentaires de fractionnement. Donc je le lance tout de suite. Ouvrir les votes. Voilà. Normalement, vous voyez la popine qui s'affiche. Et voilà, vous pouvez répondre. Et ça y est, ça marche, vous êtes en train de répondre. C'est vrai que le sujet du fractionnement, c'est quand même un sujet qu'on ne connaît pas, en tout cas, moi, je ne maîtrise pas du tout. Donc, c'est aussi pour ça que je t'ai demandé de faire une grosse partie là-dessus pour que je puisse y voir plus clair. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, je vais vous laisser encore un peu de temps parce que là, les résultats sont plutôt mitigés. On est sur du 45-55. Donc, je vous laisse un peu de temps pour que tout le monde puisse intervenir. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre dans le chat, hein. Vous pouvez vraiment répondre directement sur la petite pop-up là qui est apparue. Comme ça va directement dans les votes. Alors, je vais. Voilà. Donc là, on est à une petite centaine de participants. Je vais fermer les votes. Normalement. Les résultats sont affichés et donc 51% vrai, 49% faux. Et bah du coup c'est vrai. Donc vous pouvez en effet demander à un salarié de renoncer à ses jours de congé pour fractionnement. Et ce, peu importe que la demande de fractionnement des congés émane de vous ou du salarié. Par contre, si vous demandez au salarié de renoncer à ses jours de fractionnement, vous devez obtenir son accord. Faut savoir aussi que c'est à vous de prouver que vous avez bien obtenu l'accord pour la renonciation au congé, donc l'accord du salarié. Si vous n'êtes pas en mesure de prouver cette renonciation, vous êtes susceptible de devoir payer au salarié les jours de congé supplémentaires pour fractionnement dont il aurait pu bénéficier. Par exemple, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation il y a quelques années où la Cour de cassation a estimé que le fait qu'un salarié n'ait pas demandé ses jours de congé supplémentaires pour fractionnement pendant 21 ans ne prouvait pas qu'il y avait renoncé. Donc cet employeur a été condamné à payer les jours de fractionnement du salarié, alors en tenant compte des délais de prescription aussi, mais il a été condamné à payer les jours de fractionnement que le salarié n'avait pas pris. Pendant Donc, 21 ans, oulala. alors après, il y avait les délais de Oui, prescription qui s'appliquaient, mais ça représentait un certain nombre bah, et le salarié j'imagine, n'avait jamais refusé, n'avait jamais explicitement dit qu'il renonçait à ses jours pour fractionnement. Et la Cour de cassation a considéré que comme il n'avait pas donné son accord, ben, les jours étaient dus. oui. Donc, il faut bien voilà, que la renonciation soit expresse et individuelle. Et à Avoir la un limite, écrit, en fait. vraiment. Voilà, vraiment Ouais. obtenir cette renonciation par écrit, c'est impératif pour éviter toute contestation ensuite. Et voilà. Faut savoir aussi qu'il peut y avoir une renonciation, il ne peut pas y avoir une renonciation de droit au congé supplémentaire Pour fractionnement, pardon, cette renonciation, elle ne peut pas être de droit. Donc, le salarié ne peut pas refuser non plus par avance en signant, par exemple, une clause dans son contrat de travail ou un avenant à ce dernier pour dire qu'il refuse, qu'il renonce à ses jours de fractionnement. Ce n'est pas possible de le prévoir avant. C'est interdit. D'accord. Voilà. L'employeur peut-il fractionner cette fameuse cinquième semaine de congé? Alors, donc là, en ce qui concerne la cinquième semaine, le Code du travail n'encadre pas le fractionnement de la cinquième semaine de congé. La seule chose qui est précisée, c'est que la cinquième semaine ne doit pas être accolée au congé principal, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, sous cette réserve, vous pouvez tout à fait fixer la date de la cinquième semaine en fonction des impératifs de votre entreprise. Et vous pouvez aussi fractionner cette cinquième semaine de congé payé sans avoir à obtenir l'accord du salarié. En revanche, ce qu'il faut savoir, et là, bon, ça va certainement vous intéresser, mais c'est que cette cinquième semaine de congé payé ne donne pas droit, à des jours de congé supplémentaires pour fractionnement lorsqu'elle est fractionnée. Sauf évidemment, là encore, s'il y a des dispositions contraires, qui sont prévues par un accord collectif. Mais sinon, la cinquième semaine ne donne pas le droit, à des jours de congé pour fractionnement. D'accord. L'accord de l'employeur est-il nécessaire lorsque le salarié souhaite fractionner ses congés payés? Alors, lorsque c'est salarié qui souhaite un fractionnement de son congé, il doit obtenir l'autorisation de l'employeur qui peut refuser cette demande ou l'accepter. Et vous pouvez aussi conditionner votre acceptation à la renonciation du salarié à ses jours de congé supplémentaires. Donc, vous pouvez tout à fait lui accorder le fractionnement demandé, mais en contrepartie, lui demander de renoncer à ses jours de fractionnement. Et là encore, assurez-vous d'obtenir un écrit pour éviter tout contentieux ultérieur. D'accord. Bon, il est déjà 14h50, j'avais pas vu le temps passer. Il nous reste trois parties. Alors, vous inquiétez pas, les parties sont plus courtes, mais quand même, on va peut-être un petit peu accélérer sur le calcul de l'indemnité de congé payé. Comment ça se calcule? Comment ça marche? Alors, donc ouais, justement, donc lorsque le salarié est en congé, donc il ne perçoit pas de salaire, mais en contrepartie, il a une indemnité de congé payé. L'indemnité de congé payé, donc elle est due en fait pour rémunérer les jours de congé qui sont pris par le salarié, et elle est calculée par comparaison entre deux modes de calcul. Et donc là, donc on va voir ces modes de calcul, vous devez retenir le plus avantageux pour le salarié. Donc, soit vous partez sur la règle du maintien du salaire. Donc là, dans ce cas-là, le salarié perçoit pendant son congé le salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait continué à travailler. Donc la rémunération va être calculée sur la base du salaire du mois précédant le congé en fonction de l'horaire de travail dans l'entreprise. Soit vous retenez la méthode du dixième et dans ce cas-là, l'indemnité de congé est égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié durant la période de référence, donc c'est-à-dire généralement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Et donc, vous devez procéder donc à ces deux calculs et ensuite, en fonction du résultat, vous appliquez la méthode la plus favorable au salarié. Ce qui compte, c'est que le salarié ne doit subir aucune diminution de son salaire du fait de son départ en congé. Si le salarié est embauché en cours d'année ou part en cours de période de référence, ou si, par exemple, il a connu des périodes d'absence qui ne sont pas assimilées à du travail effectif, donc son droit à congé va être inférieur à 30 jours ouvrables. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'appliquer un prorata, puisque l'assiette de calcul qui vous sert pour justement calculer cette indemnité de congé payé, elle est déjà réduite en conséquence du fait de l'absence ou du départ. Donc, vous n'avez pas à effectuer de prorata. Et justement, parlons de cette assiette de calcul de l'indemnité que j'ai payée. C'est magique, ça découle. Donc, cette assiette, elle est constituée de plusieurs éléments. Donc, par exemple, sont pris en compte pour l'assiette de calcul. Donc, évidemment, le salaire brut du salarié, c'est la base. Ensuite, vont être pris aussi les indemnités de congés payés de l'année précédente. Sont pris également en compte les majorations pour heures supplémentaires, les majorations pour travail de nuit, pour jours fériés, pour travail du dimanche. Toutes ces majorations qui concernent des conditions de travail particulières sont prises en compte pour déterminer l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé. On va aussi prendre en compte les rémunérations fictives, alors là, qui correspondent à des périodes d'inactivité qui sont dues à un congé maternité, à un accident, à un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, pour un arrêt pour maladie ou accident non professionnel également maintenant. On va également prendre en compte les commissions qui peuvent être versées aux salariés ou encore diverses indemnités qui concernent les contreparties obligatoires en repos qui sont accordées au titre des heures supplémentaires. Et on va également prendre en compte tout ce qui concerne les primes qui sont liées aux conditions de travail et qui ont un caractère général et constant. Donc on ne va pas prendre par contre en compte les primes qui ont un caractère exceptionnel. Donc voilà. Donc là, ça va par exemple être des primes de risque ou d'insalubrité, des primes d'astreinte ou d'équipe, des primes d'expatriation, voilà, ce genre de primes-là. Et par contre, on ne prend pas en compte pour le calcul de cette assiette tout ce qui concerne les avantages en nature. Donc par exemple, le logement, la voiture, ce n'est pas pris en compte. N'est pas pris en compte non plus les primes qui sont versées selon une périodicité annuelle. Donc, par exemple, la prime de 13e mois ou la prime de vacances ou de fin d'année ne sont pas pris en compte. La prime de participation, d'intéressement, ça non plus, c'est pas pris en compte. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, pareil, les primes et les gratifications exceptionnelles ne sont pas prises en compte non plus. Tout ce qui concerne le remboursement de frais professionnels n'est pas pris en compte non plus, les indemnités de chômage partiel non plus, et les plus généralement, voilà, les indemnités qui sont versées lors d'une absence qui n'est pas assimilée à du temps de travail effectif, ces indemnités-là ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de l'indemnité de congé payé. Donc, voilà. Merci beaucoup. Toute ça, toute cette assiette, hein, on l'a mise à la fois dans notre dossier et dans nos actus, donc vous pouvez récupérer l'ensemble de ces informations. Il est 56, je suis vraiment désolée, on va dépasser. Là, c'est un sujet qui est vraiment assez intéressant et on a beaucoup de questions, on le voit. Quand est versée l'indemnité de ces congés payés? Alors, en principe, l'indemnité de congé payé, elle est due à l'issue du congé du salarié, mais en pratique, pour pas perturber la gestion de la paye, généralement, on conserve la périodicité mensuelle de versement du salaire, donc elle est versée à la fin du mois auquel les congés ont été pris. Attention par contre, parce que certaines conventions collectives peuvent prévoir que le paiement des indemnités de congé payé intervient au moment du départ. Mais c'est quand même rare. Et le montant de l'indemnité de congé payé et les dates des absences, je le précise aussi, doivent figurer clairement sur le bulletin de paye du salarié. Ça doit faire l'objet d'une mention particulière. Voilà, c'est obligatoire, il faut bien le préciser sur le bulletin de paye. Merci beaucoup, Alexandra. Bon, il y a beaucoup de questions. Je suis désolée. La prime d'objectif sont-elles prises en compte dans l'assiette de calcul? Alors, si c'est une prime d'objectif qui est constante et générale, oui, elle est normalement, elle doit être prise en compte dans l'assiette, parce que ça fait D'accord. partie du coup du salaire. Il y a le salaire de base et la prime sur objectif, ça fait partie du salaire à prendre de l'assiette. Oui. D'accord, ok. Il y a une petite question aussi sur la journée de solidarité. Alors, je l'ai perdue. Bon, si on n'a pas le temps de revenir sur l'ensemble de vos questions, bah, voilà, remplissez le formulaire, nos juristes vous répondront. Je vois qu'il y a un problème sur le formulaire. Je suis étonnée, mais ça peut arriver. Donc, Aurélie, je demanderai à un juriste de vous rappeler directement, mais il me faut vos coordonnées. Dans ce cas-là, mettez les coordonnées. Si vous n'arrivez pas sur le formulaire, comment on peut faire? Peut-être sur l'inscription à la webconf pour recevoir le replay. Comme ça, je récupère votre email et votre numéro de téléphone peut-être pour pouvoir vous rappeler. L'avant-dernière partie sur le report des congés payés non pris. Alors, on avait déjà des questions sur ce sujet dès les premières minutes de la webconférence. Donc, le report des congés payés d'une année sur l'autre est-il possible? Alors oui, le report est possible. Donc là, dans des cas bien précis par contre. Donc le premier cas, c'est si vous mettez d'accord vous et le salarié. Dans ce cas-là, le report des jours de congé peut tout à fait être possible sur l'année suivante. Mais voilà, il faut bien un accord. Et vous n'êtes pas non plus obligé, si cette demande émane du salarié, vous n'êtes pas obligé d'accepter sa demande de report. Mais là encore, assurez-vous d'avoir bien tout mis par écrit. Le report est aussi possible, même obligatoire, lorsque vous avez des dispositions conventionnelles qui imposent le report des congés non pris. Donc là, dans ce cas-là, vous êtes tenu d'accepter de toute façon la demande de report du salarié. Le report va être aussi prévu si votre salarié est parti en congé maternité ou adoption, congé parental, et qu'il n'a pas pu poser ses congés avant la fin de la période de prise des congés payés. Donc là, évidemment, le report est obligatoire. Pareil, le report est possible aussi en cas d'annualisation du temps de travail. Donc là, les congés acquis peuvent être reportés jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, pardon, de l'année suivante, celle pendant laquelle la période de prise des congés a débuté. Donc si votre période de prise de congés termine au 31 mai, vous pouvez étaler cette période au 31 décembre pour que le salarié puisse les reporter jusqu'au 31 décembre. Et enfin, aussi évidemment, le gros cas qui suscite des questions désormais, le report est possible en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, peu importe l'origine professionnelle ou non. Donc là, le salarié qui a été dans l'impossibilité du fait de son arrêt de prendre tout ou partie de ses congés au cours de la période de prise des congés, il bénéficie d'une période de report de 15 mois pour pouvoir les utiliser. Alors, cette période, elle peut être supérieure à 15 mois s'il y a un accord d'entreprise, d'établissement ou une convention qui le prévoit. Sinon, c'est 15 mois. Et voilà, concernant bah, justement les modalités d'application de cette période de report de 15 mois, on a justement, comme disait Elodie tout à l'heure, notre dossier qui est dédié voilà, à la gestion des arrêts maladie et des congés payés. Et il y a aussi la webconférence qu'avait fait Gwenaëlle l'année dernière sur ce sujet-là, qui est vraiment très très complète. Et je ne détaillerai pas là parce que on est reparti pour 1 heure de webconférence. Voilà, pour répondre à Nicette, Marine vous a mis les liens. Il y a la webconférence que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur notre site. Effectivement, dans le cas d'un arrêt maladie, dorénavant, ça se reporte. En quoi consiste l'obligation d'information de l'employeur après un arrêt de travail? Bon, ben, on continue sur ce sujet. Ouais, je voulais quand même préciser ça parce que c'est important. Depuis le 24 avril 2024, justement, avec l'entrée en vigueur de la loi Dadu, donc vous devez respecter une nouvelle obligation d'information quant au congé payé du salarié qui revient d'arrêt de travail pour maladie ou accident. Donc, au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, peu importe le caractère professionnel ou non, vous devez porter à la connaissance du salarié certaines informations. Donc ces informations, ce sont le nombre de jours de congé dont dispose le salarié à son retour d'arrêt et la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. Donc cette information, elle est vraiment importante puisqu'en fait, elle va constituer le point de départ de la période de report des congés payés des salariés qui ont été dans l'impossibilité de prendre tout ou partie des congés payés acquis en raison de leur arrêt de travail. Et donc cette information aux salariés, elle doit être faite dans le mois qui suit la reprise du travail. Il faut savoir aussi que cette information, donc, elle est communiquée par tout moyen. Et elle peut être réalisée notamment par le biais du bulletin de paye ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Ce qu'il faut vraiment vous assurer de pouvoir prouver que l'information a bien été faite dans les délais, dans ce délai de 1 mois qui suit la reprise du travail. Et dernière petite précision, donc la loi ne précise pas la durée minimale d'arrêt après laquelle naît cette obligation d'information. Donc, du coup, on considère qu'il est recommandé d'accomplir cette formalité enfin, cette information après chaque arrêt du salarié pour maladie ou accident, et ce, quelle que soit sa durée. Donc, je crois qu'Élodie nous a abandonnés. Mais non, je suis là. Vous ne m'entendez pas? Je ne sais pas, j'ai plus la vidéo, mais je pense que je suis encore là. Je t'entends. Sinon, c'est pas grave, j'étais partie. T'as plus besoin de moi. Donc, pardon, du coup, je suis un peu perdue. Que deviennent les congés payés non pris en fin de contrat? Ça aussi, c'était une question qu'on avait depuis le début. Alors, donc la loi prévoit donc le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés. Donc, il faut pas confondre cette indemnité avec l'indemnité de congés payés, donc qui est payée lorsque le salarié prend des congés. Là, c'est vraiment quelque chose de différent, l'indemnité compensatrice. C'est une indemnité qui est versée au moment de la rupture du contrat et qui, en gros, sert à rémunérer tous les congés qui n'ont pas pu être pris par le salarié au cours du contrat, en fait. Donc, l'indemnité de contrat est de compensatrice de congés payés, pardon, elle est due à la rupture d'un contrat de travail, et par contre, elle suit les mêmes méthodes de calcul que pour l'indemnité de congés payés. Donc, soit la règle du dixième, soit l'autre, maintien de salaire, voilà. Ouais. Et donc, le calcul est pareil, mais c'est la finalité qui n'est pas la même. Je vois qu'il y a des questions sur le formulaire. Si vous n'arrivez pas à poser des questions, vous pouvez m'envoyer un mail en fait. C'est aussi plus simple. Elodie.dediste@juritravail.com. Donc voilà, je transférerai au juriste pour les questions. Voilà, merci Marine. Alors, je ne sais pas pourquoi ma caméra fonctionne plus, mais je suis restée là, j'ai tout écouté, hein, Alexandra. La dernière partie sur les sanctions liées à la mauvaise gestion des congés payés, il est 15h05, je pense que c'est notre record là, on n'a jamais fait si en retard, Alexandra. On fera mieux la prochaine parce que là, on n'a pas su maintenir l'horaire. Je suis vraiment désolée, je sais que beaucoup sont en. Voilà, vous devez partir et c'est normal. Donc la première question qu'on va poser, il n'y en a que deux. La première question, c'est que risque l'employeur qui ne respecte pas les dispositions relatives aux congés payés? Alors, si vous ne respectez pas, il y a une sanction qui est prévue par le Code du travail, donc qui est une sanction, on va dire, générale pour le non-respect des dispositions relatives aux congés payés. C'est une amende de cinquième classe, donc 1 500 euros, 7 500 euros pour les personnes morales. Et donc, cette amende, elle est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. Donc, ça D'accord. peut chiffrer vite. Et en cas de récidive, l'amende se monte à 3 000 euros. Et il faut savoir aussi que vos salariés peuvent évidemment saisir le conseil de prud'homme pour obtenir des dommages et intérêts lorsque vous n'avez pas mis en place un système de congés payés qui leur permette d'exercer leur droit au repos. Donc D'accord. double peine. Ouais. Effectivement. Un employeur peut-il faire travailler un salarié pendant ses congés payés? Alors, évidemment non. Si vous employez sciemment un salarié à un travail rémunéré pendant ses congés, on considère que vous ne lui donnez pas son congé légal. Et donc, c'est valable même si vous employez un salarié à l'extérieur de l'entreprise, c'est pareil. Là, le salarié est tout à fait en droit de refuser de travailler si vous lui demandez de le faire pendant ses congés. Et ce ne sera pas considéré comme de l'insubordination ou une faute. Vous pourrez aussi voir votre responsabilité engagée devant le conseil des prud'hommes et être condamné du coup au versement de dommages et intérêts pour le préjudice qu'aura subi le salarié du fait de ne pas avoir pu bénéficier de ses congés. Faut savoir aussi que vous pouvez être condamné à verser des dommages et intérêts au régime d'assurance chômage puisque le Code du travail considère que faire travailler un salarié pendant sa période de congé payé, ça prive des demandeurs d'emploi de réaliser ce travail qui aurait pu être fait par un autre salariés. Et faut savoir aussi que vous devez respecter le droit à la déconnexion des salariés pendant leur congé payé. Donc, ça implique de ne pas les solliciter, que ce soit par mail, par téléphone. Les congés, c'est les congés. Et par contre, une exception, si jamais il y a des circonstances exceptionnelles qui le justifient, et si vous motivez votre décision, vous pouvez par contre demander au salarié de changer ses dates de vacances, mais il faut bien avoir des circonstances exceptionnelles et l'accord du salarié, l'accord écrit. Et dans ce cas-là, la situation est différente puisque les congés non pris ne sont pas supprimés, puisque vous n'empêchez pas le salarié de prendre un congé légal, c'est simplement que vous lui demandez de changer ses dates et donc les congés seront reportés. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Alexandra. C'était une conférence complète sur la gestion des congés payés. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des éléments sur lesquels On a pas mal échangé dans le dossier. Donc c'est un dossier qui a été rédigé par Alexandra, mis à jour très récemment, où vous allez retrouver l'ensemble de ce qu'on a pu vous présenter. Et puis il y a aussi le dossier sur le droit à la déconnexion, hein, dont on vient de parler. C'est un dossier qui est un peu plus court, mais en tout cas qui vous rappelle les enjeux du droit à la déconnexion, que ce soit en télétravail ou pas, ou pendant les congés. Donc n'hésitez pas à le télécharger également. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont présentes en ligne aujourd'hui et qui sont abonnées à nos services. Donc voilà, allez-y, vous allez pouvoir récupérer l'ensemble des informations sur lesquelles nous avons échangé. Des questions, donc on en a parlé, vous pouvez poser vos questions, Marine vous a mis le lien, vous recevrez aussi, si vous vous êtes inscrit, le replay plus la présentation. Pour les prochaines web conférences qu'on va organiser, on fera un petit résumé, une fiche pratique en fait de différents points qu'on a abordés. C'est quelque chose qui est demandé très, très souvent et donc on a décidé de le faire pour les prochaines web conférences. On n'a pas eu le temps de le faire pour cette web conf-ci, mais voilà, ça sera dans les innovations prochaines. D'ailleurs, les prochaines web conférences, quelles sont-ils? Le 24 avril, embaucher un salarié étranger, ce sera avec Kevin. Et le 13 mai, le DURP, et là, Marine vous a mis le lien. Voilà, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui. Merci, merci à tous d'être venus. Si cette web conférence vous a plu, Marine vous a mis un petit lien pour nous laisser un avis. Je sais que Webikeo permet aussi une notation. N'hésitez pas à nous dire voilà, comment on peut améliorer. L'objectif, c'est vraiment de vous proposer des contenus qui soient intéressants à écouter pour rester toujours au fait de l'actualité juridique. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à tous pour votre participation. Désolée pour le débordement. Ben oui, malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. J'ai essayé de les prendre en direct, mais en fait, c'est aussi compliqué que de les prendre à la fin, hein. D'habitude, on les prend à la fin, mais du coup, ça nous fait revenir au début de la webconférence pour répondre aux premières questions. Bon, ce n'est pas une solution qui est simple. Ce qu'on va faire, c'est que, ben, en tout cas, toutes les personnes qui se sont inscrites sur le formulaire pour répondre aux questions vont être appelées par un juriste. Vous pouvez m'envoyer un mail, comme je vous l'ai dit, et puis je partagerai aux juristes s'ils vous le rappelleront d'ici la fin de semaine. D'ailleurs, bonne fin de semaine à tous. Encore merci Alexandra, encore merci Marine sur le chat, et merci beaucoup à tous pour votre participation. Ça fait toujours chaud au cœur de voir autant de personnes connectées à nos webconférences. Au revoir, Au merci. revoir et bonne journée.